Voici votre plus récente information de sport local et régional au microphone d'Annie Veillon. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant du côté de Pierre-Alexandre Bédard de Chibougamau qui était en tournoi en Floride au cours des derniers jours. Et hier, le golfeur de Chibougamau n'a pas fait la coupure. Bédard qui a ramené une carte de plus 1 qui a été éliminée. Il y a des athlètes du club d'haltérophilie, le CAP de Dolbeau-Missassini, qui ont quand même très, très bien fait récemment lors d'une compétition provinciale. Isabelle Boilin, entre autres, et Stéphane Houd. Ils se sont classés pour les championnats panaméricains qui sont présentés à Gaspé prochainement. Et Stéphane Houd, dans l'entrevue sur les ondes de danadosport.com ce matin, a parlé d'Isabelle Boilin qui a très, très bien fait lors de cette compétition. Elle a réussi ses standards internationaux, donc elle a son billet pour aller au championnat panaméricain au mois de juin. En plus de ça, elle a battu un record canadien à l'épaule et jetée. Et son entraînement va super bien, fait qu'on s'entend encore à d'autres. Il y a bon espoir de médaille dans le cas d'Isabelle Boilin lors de cette compétition qui sera présentée à Gaspé ce printemps. Il y a des fortes chances parce qu'on a regardé un petit peu ses rivaux au point de vue des autres pays. Et on veut pas s'avancer là, mais elle serait peut-être sur les trois marches du podium. OK. Et dans ton cas? Dans mon cas, écoute, j'ai été à l'arrêt d'entraînement depuis 4 semaines. J'ai fait la compétition pareil pour faire mes standards. J'ai réussi de justesse là, à raison de la blessure. Je suis encore au repos. Mais écoute, on suit un traitement, puis on se fait suivre par des spécialistes. Mon équipe s'occupe de moi, là, puis je devrais faire un retour à l'entraînement bientôt. Et moi aussi, je vais être là au championnat panaméricain au mois de juin. Et je vise surtout les championnats du monde en Espagne au mois d'août. Et je termine avec, évidemment, le classement POC, selon le site internet classementpoc.com, qui sert à déterminer les équipes double lettre en région. D'abord, au niveau bantam, les Rapides de Boumsessi sont au 24e rang au niveau provincial. Les Hurricanes de Mastuillage occupent le 37e rang et les Ambassadeurs de Chibougamau occupent le 72e rang. Niveau midget maintenant, le Marcos Pop de Saint-Félicien sont au 3e rang, les Ambassadeurs de Chibougamau au 24e rang et les Castors de Delbeau sont au 31e rang. Et au niveau junior, les Éperviers de Normandin sont au 22e rang et les Sabres de Roberval sont au 37e rang. Et ce matin, en entrevue au Journal quotidien, l'instructeur chef et directeur général des Saguenay-Chicoutimi, Yannick Jean, confirme évidemment qu'il trouve ça difficile de ne pas savoir où on s'en va dans le dossier des Saguenayens. Rappelons que depuis environ 2 semaines, les Saguenayens sont hébergés temporairement au Palais des Sports, mais tout indique qu'ils termineront la saison au Palais des Sports de Jonquière. J'invite à écouter la section entrevue de danadosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Jonathan Hudon, qui suit les activités des Saguenay-Chicoutimi pour le journal Le Quotidien. Le sport local et régional à danradiosport.com. La référence du sport, on s'en occupe.